avec sa part. Souvent seul dans un parc, en rêvant de vivre, ouais, dans un plus grand appart. Alors je vois mon avenir de façon positive. Je tente ma chance, c'est vrai, je serai plus là dans 100 piges. C'est vrai, j'ai souvent la tête dans la lune. Et je me répète sans cesse, reste humble, pas seulement dans l'allure. Moi aussi je rêve de romans au coin d'un feu. Mais pour l'instant j'écris des romans à la pointe d'un feu. Alors l'ami, laisse-moi avec mes illusions à mes côtés. Je sais que j'ai mes frères et j'oublie pas que j'ai le son. La route tourne plus, elle a dû péter ses rayons. C'est vrai, je rêve sur mes feuilles, car je dors sur mes crayons. Dans mes pensées, le marchand de sable vient m'ambiancer. Faites de la place, ce sont mes rêves qui rentrent en scène. Ne parle pas de mes cauchemars, mon frère. Car je fais tout pour qu'ils s'enterrent. Je suis qu'un simple rêveur, con ou trop naïf. Je suis qu'un simple rêveur, qui au fond kiffe trop la vie. Je suis qu'un simple rêveur, qui veut toucher le ciel, qui veut autre chose que toucher le fond. J'ai resté seul. Je suis qu'un simple rêveur, con ou trop naïf. Je suis qu'un simple rêveur, qui au fond kiffe trop la vie. Je suis qu'un simple rêveur, qui veut toucher le ciel, qui veut autre chose que toucher le fond et rester seul. Tu peux m'appeler Martin, tellement mes rêves me martèlent. Rentre dans ma tête, ils ont même fait des cartels. Réalise quelquefois. Si tu me demandes où est ma joie, je te répondrai qu'elle se noie. Je suis dans l'espace, tel un cosmonaute. J'ai le droit à un avocat, tel un dealer qu'on me note. Je rêve de ma belle, ou bien de ma Benz. Je niquerai sur la lune, mais pas avec Amel Ben. Je rêve trop souvent de la femme parfaite qui pourra te relever quand les soucis te collent par terre. Je rêve de ma progéniture, de mes projets qui durent, car les procès deviennent lourds. Pour l'instant je rêvasse tout doucement dans mon coin avec mon verre de Shiva. Moi aussi je rêve de palace en robe de chambre. Et ouais, je l'assume l'ami, même si mes potes me chambrent. Je suis qu'un simple rêveur, con ou trop naïf. Je suis qu'un simple rêveur, qui au fond kiffe trop la vie. Je suis qu'un simple rêveur, qui veut toucher le ciel, qui veut autre chose que toucher le fond. J'ai resté seul. Je suis qu'un simple rêveur, con ou trop naïf. Je suis qu'un simple rêveur, qui au fond kiffe trop la vie. Je suis qu'un simple rêveur, qui veut toucher le ciel, qui veut autre chose que toucher le fond et rester seul.